Exercice 1, page 83. A. Sous, saut. B. Paul, pôle. C. Four, fort. D. Or, or. E. Trou, trop. F. Tout, tout.